Bonjour, direct le 20 janvier 2023. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Est-ce que j'ai écrit 23? Bon, je sais pas. J'ai peut-être pas donné le bon titre. Bonjour, Jean. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des... Hey, bonjour. Bonjour, Madame Kuzmanovic. Monsieur Pinard, bonjour. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Vous voulez qu'on parle? N'importe quoi. Bonjour, Fatima. Je ne sais pas, j'ai peut-être des gens qui vont arriver bientôt. Bonjour, Ariane. Donc, je ne sais pas, là, je vais peut-être être obligé de cesser vite. Bonjour, ben ça va bien. Ça va bien. Quand même pas si mal. Ma voix revient là. Bonjour, vous voir avec une bonne mine, moi. Moi, ça va pas si mal. La pensée qui vient d'ailleurs. Comment voulez-vous que ça vienne pas d'ailleurs? Hein? C'est subtil une pensée. On ne peut pas la prendre, la peser. Là. Donc, elle est déjà sa nature, fait qu'elle est d'ailleurs. Elle est d'une autre nature. Hein. Donc, bonjour. J'ai dans le jeu Sabrina. Bonjour, Franck. Bon, la pensée, c'est comme un monde. C'est comme c'est ça, une dimensionnalité. Donc, c'est déjà de l'ailleurs dans sa nature. Donc, connaissez-vous Normand Pinard? Il me fait penser à Bernard de Montréal. Non. Ben, j'ai déjà écouté un peu. Mais non, je ne connais pas vraiment. Pas très bien. Je n'écoute pas grand-chose, hein, vous le savez. Mais ça, c'est une affaire de sensibilité, là. Ben, ce que je me souviens, je ne peux pas dire que je me. Je me rappelle vraiment d'avoir trouvé qu'il y avait une similitude tant que ça. Ça dépend toujours, là. J'ai peut-être pas pris un bonjour, j'ai aucune idée. Au fond. Mais non, monsieur Pinard, Normand Pinard, non, je l'écoute pas. Je le connais pas assez bien. BDM est beaucoup sur les réseaux depuis quelques temps déjà. Ouais. Ben, qu'on pourrait appeler entre autres des. Bonjour, monsieur Robertson. On pourrait appeler. Bon, je pense qu'on peut dire des sectateurs. Des sectateurs. C'est ça, les réseaux sociaux, maintenant, beaucoup. Puis, comment je pourrais dire ça? La majorité du monde qui ont accroché, ils n'ont pas accroché sur les phénomènes ou l'intégration des affaires de même, c'est une sorte quasiment que de la personnalité. Donc. Des anciennes vidéos de Normand Pinard, plus de 10 ans. Il y a des choses intéressantes. Ah oui, parce qu'il y a plus de 10 ans, juste comme YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Charles Sabourin, il y avait David Lévesque, puis il n'y avait pas encore été mis en ligne tous les audios de. Voyons comment que ça, Daniel Kemp. Donc, Normand Pinard est médium et métaphysicien. Bon, ben, vous voyez, déjà là, ça m'intéresse pas. Désolé. Désolé. C'est quoi la métaphysique en philosophie? La métaphysique en philosophie, c'est de l'ordre de la spéculation pure. C'était ça, en philosophie classique. Donc, on peut pas vraiment. En tout cas, là, mais tu sais, c'est devenu un titre. Le médium. Médium. Des médiums. Médium, ça veut dire que vous êtes l'intermédiaire avec quelque chose. Dans Montréal, c'est un voyant un peu, mais c'est pas un médium. Je le vois pas comme tel. Parce que le médium, il est passif jusqu'à un certain point, c'est un réceptacle. Puis bon. Ça dépend de quoi on parle, là. Hein. Beaucoup de chaînes proposent des. Qu'est-ce que c'est ça? Satsang? Non-dualité? L'instant présent que nous sommes pas, ce corps, qu'en pensez-vous? Est-ce une nouvelle forme de spiritualité du nouvel âge? Votre corps, c'est une densification. Jusqu'à un certain point, il reste, c'est votre corps pareil. C'est une des dimensionnalités de votre multidimensionnalité. Quelqu'un qui dit « je suis pas mon corps », c'est parfait, ça, pour tous les modes d'Astor, là. Hein? Que c'est normal d'être baisse, puis faut rien dire. La chaîne Zoolook. Bonjour, Mimi. La chaîne Zoolook, de voir Normand Pinard plus de 10 ans. Il y a de la spiritualité contrôlée, tout comme tant d'autres sujets. Ils veulent imposer du New Age. Ils s'imposent tout seuls. Malgré tous les drames que l'être humain endure, il n'arrive toujours pas à intégrer l'assujettissement aux bases fréquences. Il devrait commencer à bouger. Comment je pourrais dire ça? On peut s'en servir aussi des basses fréquences. Je veux dire, c'est comme une palette de couleurs, là. Donc, c'est un peu comme l'affaire de diaboliser la forme à tout prix. Quelqu'un de créatif va s'en servir des formes. Il faut en créer des nouvelles aussi. Donc, bon, j'espère que ça va mieux. Le chef de la diplomatie européenne, José Borrell, moi, je me rappelle, c'est un monsieur Borrell, mais il dit, ah oui, bon. A affirmé qu'Israël avait financé le Hamas afin d'affaiblir. Ben oui, c'est vrai. Pas besoin de l'affirmer dans le sens que je veux dire, c'est su, c'est connu. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont chialer. Ah, les pro-palestiniens sont pro-Hamas, ça n'a pas rapport. Les vrais, vrais pro-Hamas, c'est des sionistes israéliens. Dans le sens que ça c'est bon pour Israël, ce qui est arrivé le 6. Là, au niveau de leur agenda politique, je parle, puis de leur projet. Si vous voulez qu'on... Bon, hein? Oui, mais j'étais étonné qu'ils le passent à la TV. Ben, pas moi. Dans le fond, les services américains, Israël, ils ont tout intérêt à ce que ça soit dit entre les lignes. C'est un peu comme l'administration américaine par rapport à certaines affaires qui sont passées aux États-Unis. Ils admettent entre les lignes que c'est eux. Ils admettent entre les lignes qu'il y a quelque chose. Puis on a tout intérêt au niveau... Eux autres, c'est d'être craint. Hein, d'être craint. Donc, on a tout intérêt. Prenez la CIA, ils admettent qu'il y avait des rapports avec les services anglais puis israéliens puis Epstein. Bon... Les Russes font pareil de leur côté, je veux dire, ils l'admettent, mais à demi-mot. C'est-à-dire, que si vous voulez être respecté, ben, eux autres pour eux autres, être respecté et être craint, c'est pareil. Il faut que ça soit officieux, mais que tout le monde le sache. C'est des techniques de guerre psychologique. Croyez-vous à la nouvelle terre qui serait une terre d'amour, de paix et de haute fréquence vibratoire? Ben, vous savez, je crois rien. Donc, je ne sais pas. Je vois ça comme une possibilité. Pourquoi pas? On ne sait pas, on verra. À la fois, c'est que la planète ici, c'est pas ça qu'elle sert. En tout cas, ce qu'on constate, hein, c'est pas ça qu'elle sert. Ça n'a pas l'air de faire partie de ses attributions. On va peut-être être désaffecté. Puis, bon. Hein? Oui, leurs plans sont toujours plus ou moins dévoilés, c'est vrai. Ben oui. C'est un peu comme la mafia. La mafia, quand ils décident d'éliminer quelqu'un, ils ne veulent pas qu'il y ait de preuves qu'ils amènent en cour et qu'ils mènent en prison, mais ils veulent qu'on sache que c'est eux. C'est pour ça que ça va être signé. La plupart des choses qu'on voit de nos jours, c'est signé. C'est revendiqué à demi-mot. Donc, bon. Hein? L'homme, s'il passe sa vie dans les guerres, ça prouve bien qu'il n'est pas intelligent. Et qu'il ne veut pas évoluer. Ouais, mais c'est parce que les gens qui sont. Si on regarde au niveau de l'histoire, les peuples très raffinés, qui étaient beaucoup. Comment je pourrais dire ça? Qui étaient beaucoup justement dans la culture de la bonne entente, de l'harmonie, de la paix, ils durent moins longtemps. Il arrive des barbares à un moment donné, puis ils se font exterminer. Puis ça a tout le temps été comme ça. Puis c'est les peuples, comme vous dites, pas intelligents qui vont survivre. Donc, jusqu'à un certain point, Est-ce que c'est vraiment parce que l'être humain n'est pas intelligent qui fait la guerre? Parce que c'est celui qui a fait pas qui disparaît. Souvent. Plus souvent qu'autrement. C'est un peu comme. Moi, à mes yeux, pour le niveau d'un pays, d'une nation, c'est très important, l'armée. Très, très important. Un pays sans armée, c'est comme un cul-de-jatte, là. C'est beau la tête puis le cœur, mais ça prend des jambes, ça prend des bras, ça prend. Faut se défendre. Ne serait-ce que se défendre. J'ai vu ça quand j'étais enfant, des gens qui avaient un discours de non-violence totale et absolue. Puis, j'ai trouvé niaiseux. J'ai trouvé nono. Pourquoi? Ben, pour différentes raisons, entre autres, différentes raisons, non seulement aussi une méconnaissance de la nature humaine puis des mécanismes de survie. Parce que c'est de l'idéalisme, à un moment donné. Puis l'idéal, ça conduit vers la mort plus que vers la vie. C'est pas pour rien que, bon, vous voyez là, prenez un pays comme les Américains, les États-Unis. Il y a une grosse, grosse dichotomie au niveau des citoyens, c'est tellement différent. Vous avez des gens qui vont être beaucoup dans, des gens surtout urbains, qui vont être soit dans un, souvent quand même très cultivés, qui vont être dans un discours de non-violence, de paix. Mais quand il y a des conflits, il y a des manifestations, c'est eux les plus violents. Ils deviennent hystériques. D'un autre côté, vous avez des gens très à droite, très traditionnalistes, qui ont la culture des armes à feu, qui sont souvent croyants. Ben, souvent, quand il arrive des catastrophes, c'est eux autres qui aident les autres, c'est eux autres qui prennent en charge, c'est eux autres qui. Il y a une tuerie, souvent, si c'est un citoyen qui abat l'assaillant, ça va être des gens comme ça, là, pas les. Hein? Puis souvent, si vous regardez dans les situations de catastrophe, puis tous ceux qu'on montre comme des fous, habitués en temps normal, des gens de droite très, très croyants, c'est eux les plus calmes. C'est les gens apôtres de la paix et de l'amour qui paniquent. Bon, ben, c'est pour ça que je vais regarder, observer ce qui se passe quand que ça arrive. Hein? Hey, bonjour Pauline. Bonjour Valérie. Le Canada est un bon exemple de non-violence qui devient violent. C'est de l'hypocrisie au fond. C'est très violent le Canada, à mes yeux, comme régime, là. Prenez juste la loi sur les Indiens. Prenez juste certaines lois. Prenez ce qui est arrivé à Oreto qui ont piétiné une personne âgée avec des policiers à chevaux. Pour ensuite tout revirer ça à l'envers dans les médias. Le Canada, c'est son hypocrisie qui est violente. C'est un endroit hypocrite. C'est très, très britannique, hein, le Canada. Ça va avec. C'est un peu comme l'Australie. La Nouvelle-Zélande, des pays qui ne sont pas des pays, au fond, qui sont des corporations coloniales. C'est de l'hypocrisie, mais c'est de la violence pareille. C'est de la violence pareille. Regardez en Australie les aborigènes, comment ils sont traités par les services sociaux, comment ils sont, tous les petits aborigènes qui ont été battus, abusés dans des centres du gouvernement. Et on n'en parle pas de ça. Pourquoi? Parce que pas l'Église catholique. Fait qu'on dit rien. C'est le gouvernement australien. Fait que c'est pas grave. Prenez ce qui est arrivé. On parle des pensionnats au Canada, blablabla. Il y a des pensionnats-là, la plupart dans le Canada anglais, c'était des pensionnats protestants, puis c'était lié au gouvernement fédéral. C'était des fonctionnaires, puis. Wow, là! Un instant! Un instant, là! Puis après ça, là, on s'excuse, puis on pleure. Moi, je m'excuse pas, j'ai rien fait à personne. Hein? Mais je vais pas pleurer pour ça. Dans le sens que, bon, c'est de l'hypocrisie. C'est tout simple, ça. Qu'est-ce qui tourne autour de discours de paix, de non-violence? Souvent, il y en a de l'hypocrisie. Ouais. Ça rappelle certains stratèges qui disent je fais semblant que je suis mal pris, je veux faire des pourparlers de paix, j'envoie des émissaires, puis pendant qu'il y a des pourparlers, j'attaque. Hein? Est-ce que c'est un manque d'intelligence? C'est quoi, dans le fond, qui n'est pas intelligent? Au fond, là. Bonjour, Davos s'est réuni pour partir, parler de la maladie X. pas juste ça, là. X, moi. C'est drôle, hein, que Musk ait rappelé son affaire de même. X. X. C'est quoi X? On regarde les chiffres romains, si on regarde en mathématiques, ça, bon. X. Il avait fait un film inspiré de Andrei Tchikatilo, ça s'appelait Citoyen X. Citoyen X. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir l'appareillage policier dans une dictature communiste. Comment ils sont. Dans le sens, c'était plus important de camoufler puis de cacher que de capturer puis d'arrêter. La perversion, c'est très intelligent comme mécanisme. Moi, bon. Bon, c'est inconscient. À un moment donné, il faut regarder l'intelligence de la conscience. Dans le sens, on peut avoir les deux, on peut avoir un sans l'autre. Mais la perversion, c'est quoi? C'est une mécanique, entre autres, de transfert dans des objets. Prenez le pervers. Le pervers, c'est pas développé normalement. Entre autres, à cause de toutes sortes de choses, des complexes, des conflits. Il va y avoir des transferts sur des objets. Prenez la kleptomane. La kleptomane, il vole parce qu'il manque un morceau, il sent qu'il manque quelque chose. C'est une compensation. Ou les fétichistes qui volent des souliers. Hein? C'est 6. 6, vous êtes sûr? C'est sûr. Ça gronde toujours en Allemagne avec les agriculteurs, en France un petit peu également, quelques mouvements de routiers aussi. Ici, l'électricité augmente encore de 10% le mois prochain. 10%. 10%. Ça, ben là, c'est vrai qu'il faut payer moins cher un peu, je pense. Mais ben, je sais pas, finalement. Ben, ici aussi, ça va arriver, ça. Les gens, s'en rendent même pas compte. Mais comme je vous disais, souvent, ils vont s'arranger pour que ça se sache, puis c'est à demi-mot. Donc, ils sont en train de privatiser un peu, d'ouvrir la porte à une privatisation du réseau au Québec, puis ils ne s'en cachent pas, là. Ils ont mis Michael Sabia à tête d'Hydro-Québec, puis Fitzgibbon, c'est quoi Fitzgibbon? Moi, je vais vous dire, à mes yeux, à mon opinion, ouais. C'est un lobbyiste qui représente des intérêts de corporation. C'est eux autres qui veulent l'électricité. Ils veulent leur propre réseau, ils veulent leurs propres affaires. Hein? X13, film québécois avec les comiques, les cyniques. Ah! On dit que c'était terrible, ça. Avec Louis Forestier, là, qui chantait. X13, The French Canadian. Comment ça se fait que je connais ça? Hein? Serge Grenier. J'aimais bien Serge Grenier. Bon, la 24e lettre de l'alphabet. Faut aller plus loin que ça. Parce que l'alphabet, vous savez, il a toujours eu le même nombre de lettres. Il n'y avait même pas de W dans le temps, dans l'alphabet français. Pour les noms des Algonquins, comme Kateri Tekakwitha, après le K, ils mettaient un 8 pour faire le son du W. Donc, l'alphabet, ça n'a pas tout le temps le même nombre de lettres. Hein? Dépend à quel on se réfère. Nicolas Bouvier a fait une vidéo liée aux paysans. Hein, je ne connais pas. Ben, les paysans, prenez ce qui est arrivé en Hollande. Aux Pays-Bas. Ici, nous n'en avons pas parlé. Puis, ce qui se passe, c'est les agriculteurs en ce moment en France, ici, ils n'en parlent pas dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on imite. C'est aussi simple que ça. Vous avez lu. Ça me fait penser. C'est-à-dire que ça avait été créé par Alphonse Desjardins pour aider des cultivateurs à se financer. C'était une coopérative, puis finalement, ça a été complètement détourné, ça a été complètement infiltré. Puis aujourd'hui, tant qu'à moi, je suis une banque, parmi d'autres, avec un très, très mauvais service, d'ailleurs, l'un des plus mauvais, institution financière la plus fraudeur en Amérique, un panier percé, que moi je soupçonne que c'est parce qu'il y a de l'incompétence, puis que. En tout cas, les mutuelles santé viennent de prendre 10% le mois dernier. Ouais. Vous savez, il y a deux façons, les systèmes de. Prenez les systèmes de santé comme on a au Québec. Danny Lazur, moi je considère que c'est très bien. Mais ils l'ont tout fait, ils l'ont tout défait. Ça bug, bon, désolé. Bonjour Stéphane. On dirait qu'ils ne veulent pas que tu parles, toi aussi. Bon, ça se peut, ça. Problème réseau. Ben, c'est pas moi. Je sais pas si vous m'entendez encore, mais c'est pas moi. Moi, tout va bien. Le réseau est correct. Donc, bon, ça va mieux. Ça se peut, ça. Moi, ben, c'est drôle, hein, parce que, au fond, j'ai un petit... Je suis dans un coin, je parle tout seul dans mon coin. Mais je me fais faire plus de troubles que d'autres qui parlent en pleine lumière. Ça a commencé de bonne heure. Je veux dire, dès 2012, j'ai eu pendant un peu moins ou un peu plus d'un an compte Facebook. J'étais dans des groupes, entre autres, de philosophie. Puis, c'est pas long. Ça a pris 2 semaines. Là, j'avais des menaces de mort. Je me faisais pirater. Je parlais d'affaires qu'on parle pas de ça. Faut pas parler. Bon, OK. OK. Mais c'est après, vers 2014-2015, là, j'ai fallu que je fasse couper le téléphone. Je recevais des téléphones de menaces. Vous êtes bien monsieur Intel? Je dis oui. Puis c'était quelqu'un avec un accent des Caraïbes où j'ai oui, vous allez le regretter, puis ça raccrochait. Puis une fois, c'était arrivé, j'étais sur Skype avec Monsieur D. Mon téléphone sonne, puis c'était des menaces. En tout cas, c'est le fun. Hein? Il y a de grandes oreilles sur les réseaux aussi. C'est une grande oreille. C'est une grande oreille. Un gros monstre. Avec une grosse, grosse oreille, 5 yeux, des milliers de bouches. Si on recule encore plus dans le temps, le bon Saint-Éloi aidant les agriculteurs instaura les culs au temps à l'envers. Ben, pourquoi justement que certaines affaires sont restées dans l'histoire? Ben, c'est pas juste parce que. Au niveau de l'historiographie, il y a des politiciens qui avaient intérêt à récupérer politiquement des figures historiques. C'est parce qu'il y a des figures qui ont réellement marqué l'âme des gens. Il n'y a pas un historien qui dirait que Saint-Éloi, c'était pour quelqu'un de bien. Même dans les dernières années, il réhabilite des gens, des fois, c'est surprenant. On reconnaît de plus en plus, les historiens reconnaissent de plus en plus l'extraordinaire intelligence de Sully, qui est, à mes yeux, quelqu'un de négligé au niveau historique. On aurait tout intérêt à transposer aujourd'hui les vues de Sully au niveau de l'économie, du développement des pays, du commerce. Mais c'est tout le contraire qu'on a maintenant. Là. C'est du libéralisme à l'anglaise, mais version 6-7e génération. Là. Puis on est dans une époque de guerre économique. De toute façon, prenez, regardez quand il y a la guerre quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Qui finance les guerres? Qui a intérêt à avoir les guerres? Il n'y a rien de plus payant que la guerre. Donc, il y a des lobbyistes au gouvernement qui vont tout faire pour qu'il y ait la guerre. Vous avez aussi les gouvernements qui subventionnent les médias, que les médias, eux autres, leur job, c'est de vendre la guerre au peuple. Le peuple fournit le consentement, entre parenthèses, puis on va en guerre. On va en guerre. Dans les dernières années, quand il y a toutes les ce qu'il y a eu, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, avez-vous vu un média dire que c'était ça? Aller contre ça? Aller contre l'agenda otanien, atlantiste? Jamais. Jamais. Parce qu'il faut comprendre l'empire atlantiste otanien, ben, c'est surtout financier. C'est la finance, c'est la clé de tout. De tout, tout, tout. Puis là, on est dans de la déconstruction contrôlée puis de la reconstruction. C'est ça. Hein? Si on recule, OK, c'est le peuple en France qui finance avec les impôts, ouais. Ben, pas juste ça, dans le sens que de toute façon, le gouvernement, ils prennent de la dette, c'est ça, l'argent. Le dollar américain, c'est de la dette. L'euro, c'est de la dette. Bon. Prenez, quand il y a eu la PCU puis les prêts d'aide aux entreprises pendant le COVID, moi, j'avais dit que ce que le gouvernement Trudeau faisait, c'était un piège. C'était un piège, puis d'essayer de survivre sans ça. Aujourd'hui, ils réclament, puis un paquet de monde vont le faire faillite, là, c'est pas fini. Les gens sont tombés dans le piège. L'affaire, là, de pas mordre la main qui nous nourrit, là, quand la main qui vous nourrit, elle vous nourrit parce qu'elle a l'intention de vous assujettir, il n'y a pas de mal à pas mordre la main qui nous vous nourrit, mais au moins lever le nez, puis pas prendre. Pas prendre. Il est là le piège. Pardon. Oh, c'est bien fou. Ma voix va pas bien. Donc, loi syndicat du climat, contrôle atmosphérique, un tel contrôle. Ah, ben, peut-être que j'ai mal compris ce que vous me disiez avant. Moi, ouais, peut-être que j'ai mal compris, là. Ben, vous savez. Ça, c'est lié à la finance aussi. Pourquoi? Ben, prenez, admettons, vous avez un pays en Asie qui produit certains types de céréales. OK? Mettons, son compétiteur sur les marchés internationaux qui influence beaucoup le prix, mettons, c'est le Pakistan. Bon, puis là, on a des intérêts, on veut en même temps faire monter le prix. En même temps, on a un pays allié avec lequel on a une nouvelle entente, puis on veut y montrer qu'on l'aime, donc on va aider à remonter son économie. Qu'est-ce qu'on fait? On peut servir de technologie pour nourrir des récoltes du compétiteur, mettons le Pakistan, peu importe. Donc, c'est lié à la finance aussi. Tout. Je veux dire, prenez le complexe militaro-industriel puis le complexe pharmaco-chimique. C'est lié. C'est lié. C'est le mili Dans le fond, c'est le militaire qui. Puis tout ce qu'il y a en arrière, ce qu'il y a en arrière, vous allez voir, c'est tout le temps la finance, tout le temps la même affaire. Prenez ce qui est arrivé, le COVID, ce qui est la guerre en Ukraine, ce qui est arrivé, ce qui arrive en ce moment par rapport à en Israël. Regardez les actions de la banque JP Morgan. Plus ça va mal, plus ils montent. C'est dans tout. C'est dans tout. Donc, il est là, c'est comme ça. Je veux dire, dans le sens que si vous voulez tout comprendre, juste étudier la finance. Vous allez tout comprendre. Puis, c'est pareil si vous reculez dans le temps. Ça revient au même. Pourquoi la Libye est détruite? C'est lié à la finance. Pourquoi la Libye a été détruite? Prenez Bernard-Henri Lévy qui fait de la propagande, là, faut libérer la Libye, la Syrie, blablabla. C'est un agent de la finance internationale, ce gars-là. Puis il est là pour vendre des guerres. Puis pendant que les peuples qui financent ces guerres-là, au fond, s'appauvrissent, vont s'appauvrir, puis leur niveau de vie baisse, la clique de privilégiés qui, elle, a intérêt à vendre la guerre au peuple, elle, eux autres, ils sont de plus en plus riches, ils sont de plus en plus puissants. Puis ça a toujours été comme ça. Même Voltaire, il s'est enrichi en vendant des bottes à l'armée. Puis il vendait même disons qu'il n'était pas si pour la PEXA, là. Dépendamment de ses intérêts. C'est pour ça que je vous dis, hein, la racine du mal, l'argent, les banksters. Bon, c'est une forme, ça, c'est des forces. La vraie racine. La vraie racine, ça va plus loin que ça. La haute finance, la vraie, vraie haute finance, c'est toutes des kabbalistes. C'est un logiciel, c'est une façon de voir. Dans le fond, c'est la mécanique des transferts d'énergie d'une structure à l'autre. Si vous comprenez ça, vous pourrez créer de la richesse à partir de rien. Mais c'est encore plus facile de créer de la richesse à partir de quelque chose. Des fois, ça peut être la destruction de quelque chose. Il y en a bien à New York, j'en ai parlé souvent, sont en habit cravate le jour, pis, bon, mais quand ils rentrent chez eux le soir, ils se mettent une kippa puis ils étudient le Zohar. Ben, pourquoi vous pensez que la finance, la mentalité n'est pas pareille dans les pays protestants? Parce qu'il y a une rejudaïsation. Prenez en France, comment ils s'appelaient eux autres? Les jansénistes. Les jansénistes, les liens avec l'argent. Leur rapport à l'argent. Vous avez des gens très, très austères en apparence qui s'habillent en noir. Vous aviez la compagnie du Saint-Sacrement, puis ça se ressemble tout un peu. Même si c'était catholique, là, sont l'air bête, sont habillés en noir, puis c'est des gens très humbles en apparence. Mais c'était tous des gens extrêmement rapaces. C'était des rapaces. Ça vient entre autres, prenez les propositions de Jean Zénius. Vous avez la doctrine de la prédestination qui a chez les Juifs, qui est une doctrine ancienne là, qui servait à justifier des agissements souvent, une certaine richesse. C'est-à-dire qu'au niveau de la notion de la doctrine de prédestination, c'est cette doctrine-là n'est pas compliquée. Dieu est omniscient et omnipotent, donc si je suis riche, c'est parce que c'est sa volonté. Puis si vous êtes pauvre puis que je vous exploite, c'est aussi sa volonté. Donc, vous n'avez pas un mot à dire. C'est pas sans rappeler le traité de l'obéissance passive de Berkeley, qui est un des livres les plus stupides que j'ai jamais lu, qui est rien d'autre qu'une justification. Une justification d'une autorité qui à laquelle on veut pas, faut pas réfléchir. Il ne faut pas remettre en cause rien. Non, non, obéissance passive, sans aucune réflexion, aucun sens critique. Si vous lisez le petit traité de l'obéissance passive de Berkeley, c'est une des choses les plus stupides que j'ai jamais lues. Il y a peut-être le petit livre rouge de Mao qui accote ça. Ben, c'est vraiment idiot, là. C'est vraiment idiot. Puis c'était du bourrage de crâne. C'était du bourrage de crâne par un évêque anglicain complètement fou, tant qu'à moi. C'est de l'hostie de folie, là. Puis là, après, quand on regarde au niveau l'immatérialisme de Berkeley, aïe, aïe, il ouvre la porte aux idéalistes, les idéalistes allemands, c'est ça qu'il a fait. C'est les premières formes d'idéalisme au sens philosophique, notamment de négation de la matérialité. Mais il faut comprendre qu'au niveau de certaines mentalités, certains types psychique de personnes, eux autres, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a la matière, puis est-ce qu'il n'y a pas de la matière, puis il y a une dualité. Puis, ils sont comme pris là-dedans, dans le sens que vous comprenez que c'est un dégradé qui va du plus subtil à du plus épais. Il y a un processus de densification, là, il n'y a plus de dualité. Mais si vous êtes dans la dualité au point d'aller jusqu'à nier la matière, et que la matière n'existe pas, alors que c'est à partir d'elle qu'on a défini l'existence. Entre autres, parce que ça vient de la perception. Je suis tombé dans le bon, les thèses comme. Bon, tombé dans des affaires sans intérêt et ennuyantes. Là. Bon, il reste que. Dans le fond, c'est du monde. Comment on pourrait dire ça? Il justifie. Qui se justifie par de la doctrine, par de la. Ben, c'est à ça que ça sert, dans le fond. C'est même pas de la spiritualité, c'est même pas de la religion. C'est des êtres, au fond, profondément matérialistes qui ne sont pas capables d'avoir une réelle transcendance ou immanence ou de quelconque façon. Puis, ils vont... Dans le fond, c'est une spiritualité... L'immatérialisme de Berkeley, par exemple, c'est une spiritualité matérielle, tant qu'à moi. C'est très, très matérialiste, au fond, parce que en niant la matière, vous lui donnez toute possibilité. En niant, tu sais, je veux dire, en lui enlevant Bon, en tout cas, je pense qu'il y en a qui voyaient un peu ce que je veux dire. Mais c'est mortifère, ces doctrines-là. C'est sacré des sociétés stériles. On va le dire comme ça. L'idée, prenez l'idée, ah, faut pas faire d'enfants. Faut plus faire d'enfants pour sauver la planète. Bonjour Samab, bonjour Régine. Vous savez ce que ça me fait penser, ça? Ça me fait penser les albigeois puis ces affaires-là. Les cathares. Les cathares qui considéraient qu'il fallait pas faire d'enfants. Prenez les Quakers. Les Quakers, eux autres non plus, il fallait pas faire d'enfants. Qui mène les États-Unis maintenant? Ceux qui ont fait des affaires. Mais c'est la mentalité que ceux qui n'en ont pas fait qui perdure. Pourquoi? Parce que ça sert. Ça sert les dynasties. Ça sert les bons. Ça fait leur affaire. Mais bon. Je pense que ouais, il n'y a pas beaucoup d'interventions dans le clavardoir. Mais il reste que, bon, toutes ces affaires-là. Mais c'est tout le temps lié à la finance. Il y a un lien avec la finance. C'est pour ça, prenez Yeti Green. Yeti Green, moi, je pensais que c'était une juive de New York. Je pensais que Henrietta Green, c'était une juive de New York. Ben non, c'est une Quaker. C'est une Quaker. Elle venait du coin de, je ne sais trop, Baltimore, je pensais quoi. Bon, en tout cas. Ah, en France, c'est bien parti puisqu'il paraîtrait que le taux de natalité n'a jamais été aussi bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Alors, on a eu le baby boom. La Deuxième Guerre mondiale, vous avez le baby down. Du COVID, puis de Davos. De Davos, dans le fond, c'était quoi ça, sinon un génocide doux? C'est quoi ça, sinon un génocide doux? Au Québec, là, on n'arrête pas. Là, il y a eu un faux débat sur l'immigration. Oui, mais il y a une baisse de natalité. Ben oui, mais François Legault encourage la natalité. Asti de gros cave. Encourage la natalité. Tout politicien qui voit qu'il y a un problème lié au vieillissement de la population puis à une démographie et qui n'a pas une politique nataliste du peuple. On va dire originel, est un traître. Tout politicien qui n'a pas une politique nataliste est un traître. S'il y a un problème de natalité dans son pays, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Puis, c'est quoi sinon un génocide contrôlé, doux? Un génocide doux. C'est ça au fond. Regardez, là, Sœur Sourire, la sœur belge, Sœur Sourire. Voyez le mal? C'est quoi le mal? Vous voyez pas c'est quoi le mal? Ça, sourire, la pilule d'or. La pilule d'or. Elle peut bien s'être suicidée, elle. Hein? Je veux dire, toujours choisir les mauvais maîtres. Premièrement, elle se garouche d'une congrégation de... Bon. Déjà là, c'est pas fort. Après, on en sort, puis là, c'est totalement à l'envers. C'est pas mieux. Ils m'ont volé, ils m'ont exploité. Ouais, ouais. Ouais. Puis après, tout est fait, la promotion, la pilule d'or. Et même venu à Montréal. Il n'y a plus personne qui se rappelle de là. On s'en fout. Ça a commencé par des mentries. Dominique Hennick convertit les albigeois. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Il était pas. Même lui, il n'était pas assez bon orateur pour les convaincre, puis il se faisait boucher. C'était tout un... En tout cas, ils ont été exterminés. Ils n'ont pas été convertis, ils ont été exterminés. Ça part bien mal. Ça part bien mal d'une chanson stupide comme ça. Qui ment en pleine face du monde. Bon. Je veux dire, elle qui travaille d'un bord ou de l'autre, elle ment des deux bords. Ça doit être le même bord. Est-ce qu'il y a vraiment tant que ça une différence entre les forces institutionnelles, doctrinales, puis ce qu'on vit maintenant? Les forces sont transférées d'une forme à l'autre, mais c'est les mêmes forces. Avant, on nous affaiblissait pour nous garder dans la pauvreté en nous forçant à avoir trop d'argent. Au Québec, c'était comme ça. On gardait les gens dans l'ignorance et la pauvreté en les forçant à avoir trop d'enfants. Trop d'enfants. Puis maintenant qu'on en a passé, on continue à tuer le Québec quand même par l'immigration, entre autres. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, vous aviez des familles de 18 enfants, puis des fois, il y en a là-dessus, il y en a 5-6 qui ne se rendaient même pas à l'âge adulte. Le temps que ça avait pris pour l'énergie que ça avait pris pour les nourrir, en tout cas, c'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas, ils vont faire exactement le contraire, avec les mêmes objectifs. Et résultats semblables. Génocide emballé avec un joli papier cadeau. Ouais, ben, c'est. Même, je dirais, c'est. Parce qu'au moins, un paquet cadeau, vous le voyez, vous le développez. Là, non, c'est tellement hypocrite. C'est comme on se fait. On le sent même pas. On le sent même pas. Maintenant, la population en dessous de. Ouais. Ben, c'est aussi, ils ont l'agenda de destruction des identités nationales. Ils sont rendus là. Donc, bon, de toute façon, pour ce que ça vaut. Mais des fois, quand on n'a rien d'autre. Ou même que les femmes se faisaient bouder par leur curé si elles ne produisaient pas. Ben oui, puis des fois, c'était même pas de leur faute. Il y a des femmes là-dedans qui étaient infertiles. Il y a des femmes là-dedans qui avaient des troubles de santé. Puis le prêtre les regardait comme hey. Parce que moi, vous remarquerez, je serais jamais sur le bord des affaires comme les valeurs républicaines, comme sont vendues. En France, ben dans le fond, c'est de l'européisme déguisé en valeur républicaine. Ça n'a rien à voir. C'est tellement hypocrite. Vous ne me verrez jamais non plus faire la promotion de les philosophies maçonniques de destruction des familles qu'on nous impose, puis de destruction culturelle qu'on nous impose tranquillement, la réingénierie. Mot que Jean Charest avait ressorti. Vous ne me verrez jamais non plus sur le bord des hosties d'institutions hypocrites qui n'ont pas su accomplir leur mandat systématiquement, puis qu'aujourd'hui sont éclipsés, totalement éclipsés. Puis là, on va me reprocher, t'as tourné le dos à notre sainte mère l'Église. Hey, vous-même, vous dites qu'elle n'est plus là, qu'elle est éclipsée. J'ai tourné le dos à quoi? J'ai tourné le dos à quoi? Ils nous ont trahis systématiquement. Ils nous ont pas, ils n'ont pas accompli leur mandat. Ils nous ont trahis systématiquement. Ils ont même tout le temps été à coquiner avec le pouvoir. Si les Britanniques au Québec, ils ont voulu qu'on garde notre religion puis notre langue, c'était justement pour nous garder en vase clos, le temps que, hein, nous garder enfermés sur nous-mêmes, le temps que, ouais. Ça, c'est la seule raison. Moi, à cette heure aujourd'hui, pourquoi je considère que l'anglais au Québec devrait seulement être enseigné dans des écoles privées, c'est pas pour les mêmes raisons qu'eux autres, ils voulaient qu'on garde notre langue. Parce que là, c'est ajusté de la garder. Là, c'est ajusté de la garder aussi la religion qu'on avait, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a encore, oui, jusqu'à un certain point, mais je veux dire, au niveau collectif, il n'y en a plus. C'est fini. Ça ne reviendra pas, là. Il y en a, ils rêvent en couleur. Ça ne reviendra pas, c'est mort. Quand on déracine un arbre, ça ne repousse pas. C'est ça qu'ils ont fait. Mais il reste que c'est ça pareil. La chute des nations. Ben, il risque, tu sais, je veux dire, c'est tellement subtil, c'est tellement hypocrite, puis c'est tellement intelligent, je suis désolé de dire ça, c'est tellement intelligent qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Jusqu'à un certain point, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dans le sens qu'on va dire comme les jansénistes, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis même là, calisse que c'est niaiseux. Vous ne trouvez pas ça, hein, niaiseux? Ben oui, c'est niaiseux. C'est comme. Vous voyez ça dans les Simpsons, les petits enfants Flanders, il apparaît une mythe, un petit papillon, là, une mythe. Ah, une mythe, une mythe. Puis là, finalement, ils viennent à bout se débarrasser de la mythe. Puis là, ils font leur prêt à dire, merci, mon Dieu, de nous avoir apporté la force de combattre puis de résister à la mythe que vous nous avez envoyée. J'aime bien quand vous dites tout ce que les autres pensent tout bas. Je suis comme vous. C'est à cause de ça. Je suis pas bienvenu. Bon, je sais que vous êtes toujours bienvenu. Mais c'est ça, il faut être ajusté aussi. Dans le sens de ces affaires-là, j'en parle pas dans ma vie de tous les jours. Je peux pas, je parle pas de ça. J'observe dans ma vie de tous les jours, je suis pas mal silencieux. Hein? Bonjour, je réitère ma question. Pourquoi ceux qui dirigent le monde depuis toujours ont amené les peuples à un tel niveau d'existence pour les faire régresser maintenant en leur reprenant tout? Parce que justement, il fallait créer une classe moyenne pour ce qui était le début de l'ère industrielle. Ça prenait une classe moyenne. Maintenant, ils n'en ont plus besoin. Comprenez-vous, là? Le temps que se crée l'automatisation, ça, c'était connu même avant les années 40, les premiers cybernéticiens. Ils étaient au courant qu'un jour, ça serait comme ça. Ils ont eu besoin. Ils ont eu besoin d'une masse d'ouvriers. Puis là, tout d'un coup, à niveau de l'époque industrielle, puis par après, là, vous avez les néolithiques qui ont été les premiers à sonner l'alarme, mais ils ont été complètement enterrés, puis il n'y a plus personne qui se souvient d'eux autres. Mais le néolithisme n'avait pas tort, dans le sens que la société industrielle est impossible à long terme. Il faut qu'il y ait une transformation, puis faut ce qu'eux autres, ils appellent la prochaine révolution industrielle. Ils ont besoin de moins de monde. Donc, c'est ça. Savez, on va élever des animaux, par exemple, un élevage d'animaux, parce qu'on a une tâche à leur faire accomplir, parce qu'on en a besoin. Une fois que la tâche est accomplie, que le terrain est défriché, puis tout, bon, ben, ces chevaux de trait-là, ou qui servent plus, ils coûtent cher, parce qu'il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les entretenir. Au fond, c'est pas compliqué ce qui se passe. Puis ça a été prévu, je veux dire, c'est sur des siècles. Mais le monde a bien de la misère à croire ça. Bien de la misère à croire ça. Prenez ce qui est arrivé, les premiers terroristes, dans le fond. C'était quoi? C'était des anarchistes italiens. Prenez dans le temps Charles X, les Carbonari, puis... L'État a compris qu'il y a besoin de justifier. Il faut qu'ils justifient ce qu'ils font. Donc, ça prend un ennemi, ça prend ci, ça prend ça peut pas. Donc, on finance. Les Carbonari ont été financés par le pouvoir. C'est pareil. Tout ce que le monde appelle du terrorisme, c'est ceux qui prétendent le combattre qui en ont besoin puis qui le financent. Ça a tout le tête de même. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Voyons donc. Qu'est-ce que je disais donc? Ben, c'est ça. C'est toute pensée, c'est tout. Fâche-toi pas. Ça va bien aller. Ça va bien. Je ne suis même pas fâché. Je suis même pas fâché. Tu sais, de toute façon, c'est éphémère. Hein. On vit dans un monde éphémère. Nous sommes nous-mêmes éphémères en tant que la forme sous laquelle on est là maintenant. Mais on va être quand même jugé par rapport à comment la performance qu'on a eue, même si c'est éphémère. Donc attention, c'est pour ça que je suis choqué. Dans le fond, je suis pas choqué, mais c'est pour ça que je suis choqué un peu aussi. Hein? Une télé-réalité avec dans un studio des vaccinés et dans un autre des non contaminés, ce serait un succès garanti. Ben, c'est pas déjà ça. Le vieux, c'est un peu ça. Hein? C'est révoltant d'observer et ne rien pouvoir faire changer. Ben, quand on le sait qu'on ne peut pas changer rien. Mais par contre, tout est dans le regard des gens. Donc, ça peut des fois aider à faire que... Le monde ne tolère pas la colère. Choque-toi pas. Non, le gros. Merci, le monde l'aimait. Le gros, merci. Qui ça? Ah, le gros qui a des petites mains, là. Voyons. Jean-François, merci. Jean-François, merci. T'es un actuaire, ça, hein? Un comptable. Beaucoup d'actuaires dans les dernières années, des comptables, hein, des... Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de... C'est drôle, hein? Prenez Stéphane Blais, c'est un comptable. Dan Pilon, c'est un comptable. Jean-François Mercier, il n'y a pas rapport qu'eux autres, mais c'est un comptable. C'est un actuaire, même. Puis prenez Luxmedia, c'est qui leur comptable? C'est pas eux autres. Non, c'est une dame qui est leur comptable, je pense. C'est qui votre comptable, Luxmedia? Je suis curieux. Pas la sœur à Pereira. Sa sœur est comptable, me semble. Peut-être qu'elle cherche un peu. Mais bon, il aime ça le bénévolat. Hein? Il aime ça le bénévolat. Ben là, mais ça, je veux dire. T'sais, si vous connaissez Excel un peu, puis bon. C'est pas si dur que ça être comptable, mais c'est plate. C'est plate. C'est pour ça que, bon, toujours quelqu'un qui fait ça. Hein? L'actu. Ouais. Ouais. Ben, c'est drôle, hein, de voir des gens qui ont choisi des métiers comme ça, puis finalement, ils se mettent à écrire des sketchs comiques. Ça veut dire qu'ils ont bien compris, parce qu'au Québec, qui est un peuple de brailleurs, de gens attristés et peinés, il n'y a rien de plus payant que d'être humoriste. Même les Français, Gad Elmaleh, Malais, Gad Elmaleh, il est venu voler des jokes aux Québécois. Il y a des vidéos qui disent qu'il y a déjà 17 millions de morts à cause de... Ouais. Ben, juste autour de moi, il y en a pas mal. Mais on n'est pas stupide dans le sens, tu sais que c'est ça. J'ai une de mes voisines, elle a eu un trouble d'un nerf dans le visage, pas la paralysie de Bell, là, une autre affaire. Puis là, avec elle a fait partie d'un groupe de discussion des gens qui ont tout ça, puis l'ont tout eu dans les mêmes temps. Et commence à se parler, à dire, ça serait-tu? Bon, je t'avais dit, ça fait un an et demi que je te dis que c'est ça. Tu sais, j'insiste pas, je suis pas là pour me chicaner, là. Mais c'était à un moment donné. À un moment donné. J'en ai plein le cul de tout ce style de rapace, comme, tu sais, la mère de Greta Thunberg, là, la chanteuse d'opéra, puis. Ces hosties de rapaces culturels gauchisés complètement fous. Complètement fous. Qui prennent toutes sortes d'hosties de drogue. Puis après, ils mettent au monde des enfants qui, au niveau de leur neurologie, ils sont anormaux. Ils sont anormaux. Puis là, il y a des lobbies qui essayent de nous faire à croire que c'est une race supérieure. Ils vont tout régler. Ils vont tout régler. Ben oui, les syndromes d'Asperger comme Bill Gates, Elon Musk, puis Greta Thunberg, ils vont sauver le monde. Hein. Hey, sacrement. Je viens mauvais, là. Je viens super mauvais. Et que je la passe. Bon, il n'y a pas juste de la réalité sociale. Il y a de l'ingénierie génétique de plus en plus. Ce monde-là, tant qu'à moi, ils sont bien plus dangereux qu'autre chose. Ils n'ont pas d'empathie. C'est une des caractéristiques de ce trouble-là. Ils n'ont pas de capacité d'empathie. Vous pensez qu'ils vont sauver l'humanité? L'avez-vous vu, Bill Gates, quand il est sur les nerfs et qu'il reçoit une commission de civilisation? Il se brosse de même. On dirait un rabbin devant le mur des lamentations. Chris, sont-tu tout fou? Il y a de quoi qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'affaire que je repense, parce que c'est l'oiseau manqueur, dernièrement, il a partagé des images de la mère d'Elon Musk. Et qu'on reconnaît. Et qu'on reconnaît. En tout cas, bon. J'ai une liste de 2 pages avec le problème lié à. OK. Avant, j'ai partagé. Maintenant, je ne peux plus. Il me l'a. Ben. Pourtant, il y a des pays où c'est officiel, ces listes-là. Les Américains, ils ont une liste officielle de vie secondaire. Mais si vous en parlez, c'est parce que là, on a inventé l'affaire. OK, là, c'est plus la liberté d'expression. Si vous voulez partager une information, il faut que vous ayez, faut que vous soyez journaliste. Puis même là, si vous partagez une information en tant que journaliste, qu'en haut, ils veulent pas, ben vous allez changer de travail. C'est rendu comme ça. Une réelle démocratie, qu'il y a des gens complètement fanatiques et ridicules qui disent que c'est une hérésie, mais tant qu'à moi, ils ne se gourent pas à peu près. Qui relisent le livre des rois, entre autres. Pis... Non, non. Un instant, là. La démocratie, c'est pas une hérésie. Mais l'affaire, c'est que ça n'a jamais été réellement appliqué et que ça n'a jamais été réel. Ça, d'adire sans qu'il y ait une liberté d'expression et une réelle liberté de la presse. S'il n'y a pas ça, il n'y en a pas de démocratie. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Il n'y a pas de liberté de presse, Chris. Tous les médias appartiennent à des institutions financières ou à des intérêts ou bien sont dépendants de subventions d'État. Il n'y en a pas de presse. C'est fini. La liberté d'expression. Moi, j'ai été censuré parce qu'à un moment donné, il y avait des hosties de masques au graphène gris, que c'était évident que c'était de la cochonnerie, puis c'était fait en Chine n'importe comment. Puis ils mettaient ça dans la face des enfants à l'école, puis j'osais dire, mettez pas ça dans la face de vos enfants. Ils m'ont censuré. 3 jours après, ils étaient obligés de les retirer parce qu'il y, a des, il y avait des troubles de santé liés à ça. Puis moi, j'avais refait une vidéo, j'ai tellement honte pour vous autres. Calisse que vous êtes imbécile. C'est vraiment. Puis, je veux dire, regardez, moi, quand j'ai traité notre ministre de la Santé, le gros Christ de violeur, je le savais que j'aurais pas de problème. Parce que s'il m'amène en cours ou quoi que ce soit, il va falloir que je l'explique pourquoi je dis ça. Puis, ils veulent pas. Ils veulent pas. Le meilleur moyen, vous savez, dans le fond, là, vous voulez pas vous faire censurer. Vous avez juste à ne pas vous censurer. Vous allez juste être ignoré, mis dans le coin. Ça, c'est si vous ne faites pas trop de bruit. Parce que là, c'est sûr, si vous parlez librement puis vous avez 25-30 000 abonnés, vous allez avoir des problèmes. C'est pour ça que courir après le succès, ce n'est pas une bonne idée, dépendamment du milieu ou ce que vous faites. Vous êtes mieux de ne pas avoir de succès, c'est mauvais signe, le succès. Puis ça vous protège l'anonymat. C'est une protection, l'anonymat. Mais par contre, qui ose voir, c'est qui me poursuit, voir en diffamation, ça va me faire plaisir d'aller expliquer pourquoi je dis ça. En détail, pourquoi je dis ça? Puis on va regarder la définition des mots. Puis vous allez voir, je ne dis pas ça pour rien. Je n'ai pas dit ça pour rien. Manipuler quelqu'un, lui mentir pour qu'il s'introduise dans le corps quelque chose sans son consentement libre et éclairé, c'est du viol. Alors mettez-les comme vous voulez, c'est un viol. Ils ont manipulé la population comme des vieux pervers avec des bonbons dans la main pour les violer. C'est ça qu'ils ont fait. Puis, jamais je vais accepter ça. Voyons donc. J'aime mieux crever. J'aime mieux mourir que de... Ça me fait... J'ai pas peur de ça, là, dans le sens que c'est... j'ai plus peur de rien dire puis de partir de ce monde-là en ayant commis une faute au niveau de mon éthique ou de que de mourir. À un moment donné, là, ça va faire. Si cette planète-là, il y avait moins de monde qui avait été justement surstimulé au niveau de la polarité des pulsions de vie et des pulsions de mort, on serait bien moins manipulable. Mais ils ont toute peur. Le monde a peur. Je n'ai jamais vu une époque où le monde tout ça peuré facilement. Là. Il y a une vraie génération de moumounes élevées à écouter des maudites niaiseries. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Ça a été voulu, ça. On l'est, là, dans l'esprit. T'as le bonjour d'Albert, puis regardez la ville de Montréal, de quoi ça a l'air. Hein? C'est Cosby Kids qui mène la ville de Montréal, Christ. Bon, un instant. Je vais être obligé de quitter, désolé. Au revoir.